Nabucodonosor puni et gracié par Adrien Belli. C'était vraiment une bien belle bête. Et nul n'aurait pu se représenter qu'elle eût jamais été un homme. Pourtant, cette enveloppe sauvage avait remplacé l'enveloppe d'un être humain, et du plus illustre parmi les plus illustres, à savoir du grand Nabucodonosor, roi de Babylone. Mais Nabucodonosor avait grandement offensé le Tout-Puissant. Enivré par ses conquêtes et par sa gloire, il avait décidé qu'on l'adorât. Il s'était fait élever à lui-même une statue d'or haute de 60 coudées, devant laquelle tous ses sujets devaient se prosterner. C'est pourquoi le Tout-Puissant lui avait dit par la bouche du prophète Daniel « Tu seras chassé de la compagnie des hommes. Tu habiteras avec les animaux et les bêtes féroces. Tu mangeras du foin comme un bœuf. Tu seras trempé de la rosée du ciel. 7 ans se passeront jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut tient sous sa domination les royaumes des hommes et qu'il les donne à qui lui plaît. Ton royaume te demeurera après que tu auras reconnu que toute puissance vient du ciel. » Et le prodige annoncé s'était réalisé. Les cheveux de Nabucodonosor lui crurent comme les plumes d'un aigle et ses ongles devinrent comme les griffes des oiseaux de proie. Et il mangea du foin. Il venait de terminer son repas du matin et s'était pesamment endormi sur le sol quand l'Éternel jugea à propos de le réveiller par le moyen d'un coup de tonnerre. Puis, désirant entrer en conversation avec lui, il lui rendit l'intelligence, la mémoire et la parole. Après quoi il lui dit « Je suis l'Éternel, roi du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » « Je l'aurais parié, » répondit Nabucodonosor, en se mettant sur son séant. Il te sera peut-être tenu compte de cet acte de reconnaissance. Mon dessein est de t'informer que le 7e temps fixé comme limite de ton châtiment est sur le point de se terminer. Comme les temps passent vite, observa Nabucodonosor. Eh bien, te reprends-tu ? Demanda le Tout-Puissant. Nabucodonosor répliqua sans hésiter, pas du tout. Le Tout-Puissant entra dans une violente colère. « Au diable l'insolent » s'écria-t-il. « Comment ? Tu ne reconnais pas que je tiens sous ma domination les royaumes des hommes et que je les donne à qui me plaît ? Et qu'est-ce qui arrivera, Seigneur, si je reconnais tout cela ? Que tu redeviendras un homme. C'est bien ce que je pensais, » fit Nabucodonosor en ruminant un peu de foin qui lui revenait. « Et voilà pourquoi je me refuse à reformuler la déclaration que vous me suggérez. » « Car s'il faut vous dire la vérité, Seigneur, je n'ai aucune envie de redevenir un homme, et je préfère rester une bête. »« Et peut-on savoir ?» demanda l'Éternel en se contenant. « Les raisons de cette préférence ?»« Je vais vous les exposer, Seigneur. Mais permettez-moi auparavant de vous faire remarquer que l'arrêt dont vous m'avez frappé manque de logique. Tu oses me donner des leçons. Une timide observation seulement, Seigneur. Parle. » Comment aurais-je pu employer les 7 ans de ma disgrâce à me repentir puisque, m'ayant changé en bête, vous m'aviez retiré toute ma raison ? C'est juste, fit loyalement le Très-Haut. Je n'avais pas pensé à cela. Pendant ces 7 ans, j'ai vécu très heureux, dans une inconscience absolue, parmi les lions, les tigres et les panthères, avec qui j'ai entretenu des relations tout à fait correctes et même assez cordiales. Parce que je leur avais commandé de t'épargner. Je vous en suis fort obligé. Mais aujourd'hui, que vous m'avez rendu l'intelligence, la mémoire et la parole, et que je peux faire une comparaison entre l'état où je viens de vivre et la situation que vous voulez me rendre, je vous dirai, Seigneur, que j'aime mieux la société des bêtes que celle des hommes. L'animal le plus féroce est plus digne de considération que l'homme réputé le plus vertueux. Le premier ne tue que pour se nourrir, suivant la loi que vous avez établie. Mais le second peut-il se flatter de n'avoir jamais péché ? Dans la condition que vous m'avez imposée, Seigneur, je puis me flatter, moi, de n'avoir jamais commis un seul péché. J'ai vécu innocemment sur les ressources de la nature, comme une vraie créature du Dieu que vous êtes. La plupart des hommes sont cupides, ambitieux, cruels, comme je fus moi-même. Et vous voudriez que je revinsse dans leur compagnie ? Grand merci. Vous avez commandé aux animaux féroces de m'épargner ? Vous pouvez, Seigneur, les autoriser désormais à m'attaquer. Je préfère lutter contre eux plutôt que d'avoir à me défendre contre la méchanceté des hommes et contre leur perfidie. Réfléchis, proclama le Tout-Puissant. Je te restituerai tout l'éclat et toute la gloire de la dignité royale. Les grands de ta cour et tes principaux officiers viendront te chercher. Tu seras rétabli dans ton royaume et tu deviendras plus grand que jamais. Et il faudra que je donne l'exemple de toutes les vertus. J'aime mieux manger du foin et être naturellement vertueux, sans effort et sans chercher à servir de modèle. Il est vrai, Seigneur, que je vous offense de nouveau. Tu fais plus que de m'offenser, Nabuchodonosor, dit le Très-Haut. Tu m'attristes et tu me déçois. Tu parles d'exemple. Je voulais faire de ton cas un exemple pour toute l'humanité. Cet exemple était nécessaire à mes desseins, dans la décadence présente des croyances et des mœurs. Persisteras-tu dans un entêtement qui m'empêche de le donner ? Voilà un argument auquel je ne m'attendais pas, Seigneur. Il s'agirait donc de vous seconder dans les voies que vous avez choisies, c'est cela. Alors causons. Qu'as-tu à me dire ? Ceci, Seigneur. Vous m'avez puni parce que j'étais criminel. Or, si je fais criminel, c'est parce qu'il est beaucoup plus amusant d'être criminel que d'être vertueux. Et ma punition fut assez douce pour me faire trouver la vertu très dure. Je ne verrai donc un réel avantage à rentrer, moyennant la déclaration que vous me demandez dans la compagnie des hommes, que si j'étais assuré de pouvoir, sans courir aucun risque, me livrer à toutes mes fantaisies, et même d'en concevoir, d'en exécuter de plus répréhensibles encore que celles qui m'ont valu votre colère. Si j'ai une telle garantie, je suis, c'est le cas de le dire, Seigneur, je suis votre homme. Aucune réponse ne fut faite à cette impertinence, mais d'épaisses ténèbres de nouveau s'apesantirent sur le cerveau de Nabuchodonosor. Mais elles se dissipèrent le lendemain, et le sens lui revint. Les grands de sa cour et ses principaux officiers vinrent le chercher. Sa première forme lui fut rendue. Il recouvra tout l'éclat et toute la gloire de la dignité royale. Il fut rétabli dans son royaume, et il devint plus grand que jamais. Et l'histoire de sa disgrâce et de son pardon se perpétua d'âge en âge. C'était Nabuchodonosor puni et gracié par Adrien Belli.